Sans crasseux, tes seins en beauté, je suis vigoureux. J'aime le derrière de la beauté. J'aime ton affaire noire dedans. Mais surtout, c'est au-delà de ça. Corps sur moi te sentir près de moi, j'espérais être toujours un moins coin idiot que ceux qui t'ont baisé autrefois. Depuis transparent, pourquoi tu mens? Quelle année? Sinon, mon transparent, lui, une dent confinée dans un bocal. Pourtant, je te vois là dehors. Tes mains absorbe-moi, absorbe-moi encore. À l'empathie sinon, du jour, soyeusement rajouté devant moi, lui, j'ai couronné d'amour, confirmé encore dans une absorbe-moi une encore, bascule à l'empathie du jour, soyeusement pourtant devant je te. J'ai couronné d'amour là dehors tes mains. Absorbe-moi encore. Encore. Encore. Who is the baby?